يعني alors, انت تفوقت علينا في ال... ايوه alors donc c'est alors c'est, on l'a vous l'a choisi parce qu'elle était bien avant les événements en fait c'est en 2007 ou en 2005 c'est une première histoire concernant Ali Abdallah Saleh c'est pendant un moment de crise où il y avait il avait augmenté les prix ou enlevé les prix soutenus par l'État pour les à la farine et au sucre etc donc il y a eu des émeutes de la faim. Et donc, il vient voir son génie, enfin, il appelle son génie, son bon génie ou son mauvais génie, et il lui dit, il faut que tu me trouves une solution. Alors, le génie commence à lui parler à l'oreille, comme ça. Et puis, le président dit, non, non, ça, j'ai déjà fait, ça ne marche plus, maintenant, c'est éculé, etc. Alors, il continue, le génie, encore une fois, mais non, mais ça, non, ça, je ne peux plus le faire, parce qu'ils connaissent déjà, c'est encore, ça ne va pas marcher, non. Alors le génie dit, ben, écoutez, qu'est-ce que je peux faire, moi, monsieur le président, vous, dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez faire. Alors le président, il parle à l'oreille aussi du génie, et puis à ce moment-là, le génie dit, ah non, ça c'est pas possible, Aoudou Billah, le shaitan al-rajim, préservez-moi du diable. Donc voilà, en gros, Ali Abdallah Saleh, c'est le diable, quoi, pour beaucoup de yéménites, et en particulier pour les militants de la société civile.